Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, c'est François Grégoire qui vous parle, et on va plonger dans le monde microscopique. Quand le microscope est-il né? On connaît bien l'histoire de Galilée qui a observé les lunes de Jupiter dans sa lunette, mais on connaît beaucoup moins les débuts de la microscopie. C'est ce que va nous faire découvrir Mathieu Riopel, qui est professeur de physique et chargé de projets pédagogiques au Cégep Garneau. Bonjour Mathieu. Bonjour François. Alors tu vas nous parler aujourd'hui des débuts de la microscopie avec Anton van Leeuwenhoek. Oui, le premier parmi les premiers microscopistes, on pourrait dire ça. Il y a ce personnage qui porte un nom assez compliqué à prononcer. Donc c'est Anton van Leeuwenhoek. On s'excuse de la prononciation des fois, peut-être que ça, on va bien l'avoir, d'autres moins bien. Mais avant de parler de ce personnage-là, parlons d'abord des instruments en science. Parce que s'il y a bien instrument qui est emblématique à la science, c'est justement ce microscope. Si on cherche le mot scientifique sur Google, Google Images, je suis sûr que l'une des premières images qu'on voit, c'est quelqu'un avec un sarreau, quelques fioles de chimie et un microscope. Là. Donc, c'est quelque chose qui, dans l'imaginaire collectif, va avec un scientifique, là, le microscope. On va voir un peu d'où ça vient, cet objet-là. C'est drôle, moi, je vois ça plus associé à la biologie qu'à la chimie, je ne sais pas pourquoi. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui a permis de découvrir beaucoup de nouvelles choses avec la biologie, mais aussi dans toutes sortes de sciences. C'est pas uniquement restreint à la biologie. Donc, puis tu parlais de Galilée. En fait, il y a quelque chose d'important qui s'est passé avec Galilée et son télescope. C'est l'introduction des instruments pour observer la nature. C'est quelque chose qui est apparu avec ce qu'on appelle la révolution scientifique dans les années 1600. On a commencé à observer la nature avec d'autres choses que nos sens. Que nos yeux. Les yeux, les oreilles, etc. Mais aller au-delà des sens en utilisant des instruments. Aujourd'hui, c'est essentiel pour faire des sciences d'avoir des instruments, c'est même indissociable, la science et ses instruments. Tout ce qu'on connaît de la nature, toutes les nouvelles idées ou presque qui se développent se font à partir de mesures qui sont... Et d'observation aussi, c'est ça. Et dans les deux cas, que ce soit pour observer des planètes ou encore des choses extrêmement petites, c'est l'optique, en fait, qui est la science derrière tout ça. Ici, dans le cas du télescope et du microscope, c'est pas les seuls instruments, ils sont pas tous optiques en science, évidemment, mais il y a toujours quelque chose qui... pour voir au-delà de nos sens. Des instruments, ça peut être large en science. On pense, un spectromètre, un voltmètre, on mesure toutes sortes de choses, mais même aujourd'hui, ce qu'on construit quand on parle des accélérateurs de particules qui sont gigantesques, c'est quelque chose qui nous permet d'observer des particules fondamentales. Donc, c'est une espèce de microscope géant de plusieurs kilomètres de grosseur. Mais c'est un nouvel instrument que la science utilise. Donc, tout ça commence avec les années 1600, avec le télescope d'abord, que Galilée. Souvent, on commence les histoires en science avec Galilée. Galilée aurait utilisé un microscope aussi, en plus de son télescope. Il est moins connu pour ça. Mais... le personnage emblématique de la microscopie, si on veut, c'est en partie Anton van Leeuwenhoek, dont on va parler un peu. C'est un peu dommage, par contre, ce personnage-là, de l'histoire des sciences, il est très peu connu. Donc, c'est peu de choses sur sa vie personnelle. OK. Et en fait, est-ce qu'on sait sa date de naissance? Il est né à quelle époque? Oui, il est né en 1632 en Hollande, qui était à l'époque, cet endroit-là était à son âge d'or. En fait, c'était probablement l'endroit au monde où est-ce que les conditions de vie étaient les meilleures, le niveau de vie était très bon. Oui, parce que les Hollandais étaient des marchands. C'est ça, exactement. Donc, à ce moment-là de l'histoire, vivre en Hollande, ça signifiait avoir quand même un bon niveau de vie pour plusieurs personnes. C'était son cas. Il vivait très bien. Ça lui a d'ailleurs permis de pouvoir faire un peu de science en dehors de ses activités principales. OK, parce que finalement, si je comprends bien, Leeuwenhoek n'était pas un scientifique à temps plein. Là, il ne gagnait pas sa vie avec ça, j'imagine. Non, lui, en fait, il a été drapier. Okay. Il n'a eu aucune formation scientifique. C'est pour ça que pendant longtemps, on l'a considéré comme en dehors du monde scientifique, on va voir qu'il a été beaucoup plus scientifique que ce qu'on pourrait en penser à première vue. C'est donc, mais il a été un drapier commerçant dans la ville de Delft en Hollande pendant plusieurs années. Puis on sait peu de choses sur sa vie personnelle, mais on sait qu'il s'est marié, qu'il a eu des enfants, mais qu'il a vécu des moments difficiles lorsqu'il a approché la quarantaine. Sa femme va décéder. Puis, okay. Dans la même période, il va perdre aussi 4 de ses enfants. Là, donc, plein de mortalité autour de lui. Puis, suite à ça, on ne sait pas trop pour quelle raison encore là, mais peut-être c'était pour se changer les idées. Il va voyager en Angleterre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il allait faire en Angleterre. À ce moment-là, en Angleterre, c'est en 1668 qu'il fait son voyage. Puis, il va... Ça se passe pas très bien en Angleterre. Là. C'est le moment où est-ce qu'il y a eu la peste. Oh là là, et qu'il y a à peu près une personne sur 5 qui est décédée à Londres. Là. Donc, il va aller dans le coin de Londres au moment où on se remet de cette période-là. Ce qu'il va faire, on le sait pas tellement, mais dès qu'il va être de retour de ce voyage-là, il va s'intéresser à la microscopie. Okay. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'inspirait? Probablement qu'il s'est inspiré d'un certain Robert Hooke, qui est un Anglais, et qui venait à cette époque-là tout juste de publier un ouvrage qui est à peu près un des ouvrages les plus importants de la science, de l'histoire des sciences. Robert Hooke a publié, en 1666, un livre qui s'appelle « Micrographia ». Et donc, micrographia, microscopie, il va parler de microscopie, il va relater certaines observations qu'il va avoir faites au microscope. Donc, Robert Hooke, qui est un scientifique assez connu, on le connaît pour, entre autres, ses querelles avec Newton. Là, Newton et Hooke se sont chamaillés sur certaines idées scientifiques. Donc, sur la propriété intellectuelle de certaines idées. Newton s'est chicané avec beaucoup de gens. Là, mais Robert Hooke, ça a été une de ses plus grandes querelles. Robert Hooke est connu pour ça, mais son ouvrage le plus important, c'était un excellent scientifique... Qui avait beaucoup de rigueur et un expérimentateur hors pair, on pourrait dire. Et puis, il a fait beaucoup d'observations au microscope qu'il a présenté dans son ouvrage Micrographia. Il y a entre autres un dessin magnifique d'une puce qui est représenté dans Micrographia, qui prend plusieurs pages. On la déplie là, dans le livre. Okay. Et puis, il y a des dessins d'un pou et toutes sortes de choses qu'on pourrait observer au microscope. Pensez-y, pendant des millénaires, depuis la nuit des temps, disons, un pou, c'était un point noir qu'on avait dans les cheveux qui nous piquait. On savait pas, tu sais. On savait pas si c'était noir. Vivant. Oui, exactement. Et puis là, on met ça sous un microscope, c'est ce que Robert Hooke va faire, il va l'observer, puis là, il remarque que ça a des pattes, ça a des poilu, yeux, ça a des petits poils de pou, là, ça a toutes sortes de parties qu'on n'avait jamais soupçonnées qui pouvaient exister. Puis c'était vivant aussi. Et c'est vivant, puis en fait, si on compte les pattes, on se rend compte que c'est un insecte, ça a 6 pattes. Okay. Donc un pou, c'est un insecte. Et c'est, mais minuscule, c'est mais ça. Mais tout petit, on réalise ça. Tranquillement qu'il y a tout un monde qui existe. Donc, Robert Hooke va présenter ces images-là au monde entier. Il va l'écrire dans un livre qui est écrit en anglais d'une façon assez simple, ce qui est pas très commun à l'époque. Là. Souvent, à l'époque, dans les années 1600, on écrivait la science d'une façon compliquée. Par exemple, les Principia de Newton sont écrits... Faut le mériter, la compréhension de l'univers. Là. Faut passer à travers des explications qui sont assez difficiles. Puis tout ça, mais, puis donc, ça s'adressait pas à monsieur et madame tout le monde? Non, là. Non. Puis c'était écrit en latin, la langue du savoir. Okay. Sauf que Robert Hooke, lui, va écrire en anglais d'une façon assez simple pour que ça soit diffusé, ce qui va permettre à Leeuwenhoek de le lire et puis de s'en inspirer pour faire des observations par la suite. Donc, ce qu'on sait, c'est que Anton van Leeuwenhoek va retourner dans sa ville natale, probablement avec ce livre-là à la main, parce que presque le lendemain, il va avoir envie de faire toutes sortes d'observations au microscope, comme l'avait fait Robert Hooke. Puis justement, j'imagine que Leeuwenhoek, bon, comme on le disait, c'est pas lui qui a inventé le microscope, mais il a quand même peut-être contribué à l'améliorer beaucoup, peut-être. Leeuwenhoek va en fait fabriquer ses propres microscopes, okay, et puis va le faire d'une façon complètement différente de celle qui était utilisée par Robert Hooke. Robert Hooke, son microscope, il ressemble beaucoup à ceux qu'on utilise aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un microscope composé qui possède deux lentilles ou plus. Oui. Le microscope de Leeuwenhoek possède une seule lentille. C'est à peu près l'équivalent d'une loupe, okay, mais d'une loupe qui va grossir énormément. C'est comme si on observait les objets avec une loupe. Okay. Pour faire ça, pour avoir une loupe qui grossit énormément, on a besoin d'une bille, d'une toute petite bille. Si on place une bille devant quelque chose, on va se rendre compte que ça grossit un peu. Si on rapetisse la bille, elle va grossir d'autant plus. Okay. Les billes de verre que va fabriquer Leeuwenhoek vont avoir un diamètre d'à peu près 1,5 mm. Donc, c'est quelque chose de minuscule. C'est pas gros, puis il faut que ce soit sphérique, j'imagine, pour que ce soit... Leeuwenhoek va peut-être utiliser des billes sphériques, mais va aussi fabriquer des minuscules lentilles qui sont pas nécessairement sphériques, mais qui sont exactement de la bonne façon pour que ça grossisse le mieux possible. Un peu comme des sphères aplaties, peut-être. Ouais. Il va garder un peu secret sa technique. Il va l'expliquer parfois, mais de façon assez vague. On sait que parfois, il pourrait l'avoir fait fondre du verre, puis le manipuler ça. Peut-être que c'est parfois aussi en soufflant du verre, en polissant du verre. Un peu un mélange de tout ça qu'il a utilisé. Il était le meilleur au monde pour fabriquer ça à son époque. Pas évident parce que c'est quand même des petites lentilles petites. Là. Exactement. Puis il n'y a pas toute l'industrialisation à l'époque. Donc, ça permet de polir ça et d'avoir vraiment une résolution extrême. Exactement. Mais justement, est-ce qu'il atteignait quand même une certaine qualité, en fait? Est-ce que pour le grossissement, est-ce que c'était supérieur à ce que faisait Hooke? Les microscopes de Leeuwenhoek vont être insurpassés pendant à peu près 150 ans. Il n'y a personne qui va arriver à fabriquer des meilleurs microscopes que ceux de Leeuwenhoek pendant, comme ça, là, des dizaines d'années. Pour donner une idée, celui de Robert Hooke, à la même époque, qui lui avait permis de faire ses observations, grossissait 20 à 30 fois. Celui de Leeuwenhoek, c'est presque un facteur 10. C'est 260 fois qu'il était capable de grossir. Il était capable de voir des objets de la taille de 1 micron. Et donc, avec un microscope comme ça, il va se retrouver à être le premier à voir des choses que personne n'avait jamais vues. Ah, ben un micron, si je ne m'abuse, c'est un millième de millimètre. Millième de millimètre. Donc c'est petit, là. Tout à fait. Et avec le microscope, est-ce qu'il y avait... En fait, il y avait évidemment tout un monde à découvrir. Qu'est-ce qu'il est parvenu à voir dans son microscope? J'imagine qu'il a dû regarder un paquet de choses et aussi noter ça, documenter ça. Leeuwenhoek va être l'explorateur, si on veut, du microscope, du microcosme. Pendant 50 ans, il va prendre tout ce qu'il y a autour de lui, puis il va le mettre sous son microscope. Donc, il était tout était à passionné. Découvrir. Là, tout était ça. À découvrir. Donc, il va commencer par reprendre certaines observations qu'avait fait Robert Hooke, essayer de voir si ça fonctionne, s'il revoit les mêmes choses. Effectivement. Classique. Mais il va ensuite observer des choses que personne n'avait vues. Par exemple, il va aller dans un lac tout près de chez lui. Il va prendre un peu d'eau qui était trouble. Il va regarder ça. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau qui est trouble? Ben oui. Lui, ce qu'il va découvrir, c'est qu'il y a une vraie jungle dans dans cette eau qui est trouble. Un zoo. Il va voir des stries vertes, toutes sortes d'algues, en fait. À travers ça, il va découvrir des animaux minuscules, plus petits que ce que personne n'avait jamais vu avant. Oui. Puis qui était vivant aussi, toujours. Ce qu'il va voir, il va le représenter, il va le dessiner. Aujourd'hui, on a mis des noms à ces espèces-là. Il va voir entre autres, des daphnies, des rotifères, toutes sortes de protozoaires, des animaux minuscules, presque unicellulaires, vraiment des tout petits animaux qui bougent dans tous les sens, qui ont l'air en vie, en fait, qui sont en vie. Donc, il va découvrir que derrière tout ce qui est ce qui semble calme et tranquille, l'eau paisible d'un lac, il y a vraiment un monde qu'on n'a jamais insoupçonné, qu'on n'a jamais vu. Il va explorer ce monde-là. Ensuite, il va explorer toutes sortes d'autres choses. Il va s'intéresser, il va regarder, entre autres, des minéraux. Qu'est-ce que ça ressemble à minéraux de proche? Ouais. Il va être le premier à décrire certaines observations sur les minéraux. Il va aussi, après ça, observer ce qui vient du corps humain. Par exemple, du sang. Ah ben oui. Le sang avait, on avait découvert avant lui les globules rouges. Il y avait quelqu'un d'autre qui s'est intéressé au sang, qui avait mis ça sous un microscope. Lui, il va l'observer en détail, le décrire, reprendre ça pour différents animaux aussi. Il va s'intéresser beaucoup à ça. Il va observer aussi du sperme sur son microscope. Donc, on laisse aux auditeurs le soin de s'imaginer comment il a trouvé ça. Là. Il va observer non seulement du sperme humain, mais de la semence de différents animaux. Ben oui. Un chien, un lapin, etc. Il va les dessiner. Puis ce qu'il va voir, en fait, là-dedans, ben, il va observer pour la première fois des spermatozoïdes. Il va être le premier à voir des spermatozoïdes. On regarde la semence humaine, puis on voit quelque chose qu'il va décrire comme, on dirait, ça ressemble à une grenouille qui n'a pas encore ses pattes. On dirait que ça ressemble à un tétard. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il avait compris à quoi ça servait, tu penses? Ben, il va supposer que ça sert à la reproduction. Évidemment, on comprend. À l'époque, on ne sait pas comment ça marche, la reproduction. Là. On n'a aucune idée de comment ça fonctionne. Lui, à l'époque, il y a une façon peut-être sexiste de comprendre les choses. On va supposer, avec ces observations-là, que peut-être il y a un petit humain qui se cache, qui est déjà dans tout le prêt. Spermatozoïde. Le petit bébé est prêt à naître dans le spermatozoïde. Et qui va grossir. Il s'en va dans la mère nourricière, dans l'ovule, dans l'œuf qui va le nourrir. C'était un peu la façon naïve de voir ça à l'époque. Donc, il va observer les spermatozoïdes pour la première fois. La grande découverte peut-être qu'il va faire, c'est en observant du tartre sur les dents. Il va se gratter les dents, diluer ça un peu dans l'eau. Il va voir des tout petits objets minuscules en très, très grand nombre. Des bactéries? Il vient d'observer des bactéries. Ah, OK. Il va être le premier à voir ces choses-là qu'on va appeler des bactéries plus tard. Lui, il appelait ça des animalcules, des petits animaux encore. Et puis, il va en voir en très grand nombre. D'ailleurs, il va s'inquiéter de s'il montre ses résultats à des gens. Il va dire, les gens vont penser que je suis pas propre de la bouche. Les femmes voudront plus m'embrasser. Tout ça, il a d'ailleurs écrit un peu comme ça sa lettre où il parle de sa découverte des bactéries. Il s'inquiète de ce que les gens vont penser de sa bouche par après. Et il a observé aussi, je sais pas, des tissus ou d'autres trucs? C'est facile, il a observé tout. Ouais. Tout ce qui pouvait être autour de lui dans la ville de Delphes, tout ce qui était sur lui. Il a passé 50 ans. Vraiment, il est mort à 90 ans, Leeuwenhoek, il a vécu très vieux. Et puis pendant 50 ans, peut-être moins dans les dernières années, sa vue a diminué. Mais pendant 50 ans, il a observé tout ce qu'il y avait autour de lui sans relâche, puis il l'a décrit dans des lettres. Il n'a jamais écrit de livre, mais il a écrit des centaines de lettres qu'il écrivait pour faire connaître ses travaux. Pour documenter, en fait, ce qu'il voyait, c'est ça, exactement. Et j'imagine que, bon, comme tu disais aussi, il a aussi fait des dessins, c'est ça? Il a fait des... En fait, aujourd'hui, dans les ouvrages de microbiologie, on peut voir certains de ses dessins. Ouais. Ces bactéries, c'est assez simple, c'est des points puis des lignes qui représentent, mais c'est quand même les premières images de bactéries. Et puis, il y a quelque chose de... Quand on est le premier à voir quelque chose qu'il n'y a aucun autre humain qui a vu avant, lui, il était ça pour à peu près tout pendant 50 ans de sa vie. Parce qu'il n'y avait personne qui était capable de fabriquer des microscopes aussi puissants que les siens. Donc, il était le premier humain à voir des choses. Et finalement, est-ce qu'il était, je ne sais pas, plus, parce qu'on disait qu'il était drapier, est-ce qu'il était plus drapier que scientifique, tu penses? Mais en fait, c'est ça. On sous-estime ou on se pose la question, c'est quoi la place de Leeuwenhoek à travers les sciences? Ouais. Parce qu'il a fait des sciences. Il n'avait pas de formation scientifique. Il n'a jamais écrit de livre. Il a fait beaucoup d'observations, mais il n'a jamais développé une espèce de synthèse, de théorie. C'était pas un théoricien comme, par exemple, Newton. Il a fait des observations, il les a décrits, il les a montrés à des gens. Il a essayé de faire comprendre aux gens ses observations, là où il en était. En fait, c'est justement ça, faire des sciences. Là. Ça peut être accumuler des observations. Qui serviront plus tard. Puis personne n'a été capable avant à peu près 150 ans d'expliquer ce qu'il était en train de voir, avant que ces animaux minuscules deviennent plus tard, par exemple, les germes dans les théories de Pasteur, Louis Pasteur, avec les maladies, ce qui nous rend malade, les bactéries, les petits animaux. Lui, il n'a pas dit que ça pouvait nous rendre malade, il a dit « c'est là ». Puis après ça, on comprendra qu'est-ce qui se passe avec tout ça. On comprend à peine encore aujourd'hui toute l'étendue de ces microbes-là qui nous entourent. On a des microbes partout sur nous, sur tous les objets, partout à l'intérieur de nous. On peine à identifier tous ces microbes, à les comprendre, à comprendre qu'est-ce qu'ils font. Mais je pense qu'au-dessus de 90%, c'est pas 99% de la biomasse. En fait, c'est des bactéries, là, c'est pas des humains. Oui, exactement. Ce que Leeuwenhoek a découvert, c'est qu'il y a des animaux minuscules qui nous entourent et qui sont partout. Ils sont en nous. Là, et qui sont en très grand nombre. On est envahis. Là, c'est... Exactement. Donc, un peu comme, je sais pas moi, Galilée qui a changé notre perspective du monde en disant ben, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Ah, oui. Puis en essayant de convaincre beaucoup de gens avec son télescope de cette chose-là, ben, ce que Leeuwenhoek a fait, c'est un changement de cap, un changement dans nos conceptions du monde. Il a dit, là où on croit qu'il n'y a rien, mais il y a en fait une jungle d'organismes microscopiques qui se trouve là. Donc, il y a tout un monde nouveau à découvrir. Quelque chose que je trouve assez fantastique avec Leeuwenhoek. Puis, justement, cette espèce de désir-là d'être le premier à voir quelque chose, j'en parlais tantôt, c'est probablement un des grands moteurs de tout le travail de Leeuwenhoek. Il a dit, moi, j'ai jamais fait ça pour devenir célèbre ou avoir de l'argent ou quoi que ce soit, passer des heures à faire ça dans sa vie, puis ce qui l'a poussé à faire ça, c'était la quête du savoir, le désir d'apprendre, comprendre le monde. Puis j'imagine qu'au fur et à mesure qu'il observait, ça devait l'épater, puis il devait se dire, mon Dieu, en fait, c'est toujours du renouveau, finalement, à chaque observation. Exactement. Donc, il a fait ça jusqu'à 90 ans. Il a écrit des lettres sur ses observations quelques jours avant de mourir, sans relâche. C'est un personnage qui valait la peine d'introduire, je crois, aujourd'hui. Effectivement. Merci beaucoup, Mathieu.